الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قد تكلمنا في الدرس الماضي لآخر جملة تكلمنا عنها يقول المصنف رحمه الله وأن يجعلك مباركا أينما كنت وذكرنا وعرفنا ما معنى البركة و يعني ميادينها ثم يقول وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذا دعاء آخر من المصنف رحمه الله وذكرنا أن من عادته رحمه الله أن يفتتح كتبه ورسائله بالدعاء للقارئ والطالب فيقول أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا لا ينفك عن حال من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون قد أعطي أو ابتلي أو أذنب. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله لم يقل ممن إن أعطي ممن إن ابتلي أو ممن إن أذنب، قال إذا يدل على لابد من تحقق هذا الأمر. فالإنسان لابد أن يعطى شيئا في هذه الحياة الدنيا فإنه يقابل هذا العطاء بالشكر أو يبتلى فيقابل هذا الابتلاء بالصبر أو يذنب فلابد أن يستغفر الله تبارك وتعالى عند الوقوع فيما حرمه الله تبارك وتعالى. أول ما ذكره المصنف يقول أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. فالمسلم إذا أعطاه الله تبارك وتعالى نعمة من النعم يجب عليه أن يقابل هذه النعمة بالشكر لله تبارك وتعالى. والشكر له ثلاثة أركان، الشكر يقع على ثلاثة أماكن من الجسم. ممكن أن تشكر الله تبارك وتعالى بقلبك وكذلك بلسانك وبجوارحك، فلابد أن يجتمع هذه الأمور الثلاث عند الإنسان. فالشكر بالقلب هو أن تعتقد أن هذه النعمة التي جاءتك هي من الله تبارك وتعالى، فأي نعمة جاءتك في هذه الحياة الدنيا فهي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ نعمة الإسلام، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة العلم، علمة أي نعمة من النعم فهي من الله. فإذا اعتقدت أن مصدر هذه النعم هو الله تبارك وتعالى هذا هو الشكر بالقلب. والشكر باللسان يكون بالتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، تذكر ما أنعم الله ما أنعم الله تبارك وتعالى عليك. ليس افتخارا إنما اعترافا، يعني تعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليك، لا تفتخر بذلك، يعني تعترف، وهذا الاعتراف يزيدك إيمانا وشكرا. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وثبت في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء، يعني أنعم عليه بنعمة، من أبلي بلاء فذكره فقد شكر، وإن كتمه فقد كفره. رواه أبو داود كما قلنا. والشكر يكون كذلك بالجوارح، وهو أن تظهر أثر النعمة، أو أن يظهر أثر النعمة على جسمك. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة من النعم، ينبغي أن يظهر ذلك على جسمك، وهو القيام بطاعة المنعم. تلاحظون أن الله عز وجل قال في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، يكون الشكر بالعمل، ماشي فقط أن الإنسان يقول أن الحمد لله والشكر لله ويظن نفسه شاكرا، هذا لا يكفي، فلا بد أن يكون الشكر بهذه الأركان الثلاث التي ذكرناها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عد قيامه بالليل حتى تورم قدميه من الشكر، من الشكر لله تبارك وتعالى. ويقول الشاعر أحد الشعراء: أفادتني مني النعماء ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني الجوارح واللسان والضمير المحجبة، يعني القلب. وهو ما ذكرناه أن الشكر يقوم على ثلاثة أركان. Donc, la semaine dernière, nous vous avions commencé à expliquer les premières phrases de ce livre. Donc, l'auteur dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire, je demande à Allah, le bon, le seigneur du grand trône, d'être ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et de te rendre béni où que tu sois, et de te rendre et de te faire partie de ceux qui, lorsqu'on leur donne un bienfait, ils sont reconnaissants, et lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent, et lorsqu'ils commettent un péché, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car ces trois choses sont un signe de bonheur. Ces trois choses sont un signe de bonheur. Et donc la semaine dernière, nous avions expliqué, on était arrivé à et qui te rendent béni. On avait expliqué qu'est-ce que c'était que la bénédiction et les endroits où la bénédiction peut avoir lieu. Et on avait expliqué également que parmi les habitudes de l'auteur, rahimahullah, toujours il commence ses livres en faisant des invocations pour la personne qui va lire, ou bien l'étudiant en sciences religieuses qui recherche la science. Car il se peut que tu lises le livre, qu'il n'a tant à faire au bihi. Il se peut que tu lises le livre, mais tu n'en tires pas profit. L'auteur, il veut que tu tires profit de ce livre, c'est pour ça qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et donc il dit ensuite: et que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse faire partie de ceux qui, lorsqu'on leur donne quelque chose, ils sont reconnaissants, et lorsqu'ils sont éprouvés, ils patientent, et lorsqu'ils commettent des péchés, ils demandent pardon. Vous remarquerez que il a employé le mot « idha », qui veut dire « lorsque ». Il n'a pas dit if ou bien in. C'est-à-dire si il. Qu'il te fasse partie de ceux qui, si il. Si on leur donne quelque chose, ils sont reconnaissants, ou bien s'ils sont éprouvés, ils patientent. Il a dit lorsque. Ce qui veut dire que ces trois choses, elles ont forcément lieu. Forcément, la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui donner des bienfaits. Forcément, la personne aussi va être éprouvée, et forcément, la personne, elle va commettre des péchés. Et donc, il faut qu'à chaque fois, elle se comporte de la meilleure des manières, en étant reconnaissant, en patientant, et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première des causes qui apportent le bonheur, c'est le fait de remercier les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette manière de remercier, que l'on appelle shukr en arabe, elle a lieu de trois manières. Et pour chaque bienfait, il faut que ces trois manières aient lieu. Le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, bil qalb, également par la parole et également par les actes. Il ne suffit pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur seulement, ou bien par la parole seulement, ou bien par les actes seulement. Il faut que ces trois choses soient réunies pour que la personne soit considérée comme reconnaissante, yani shakir. Donc par le cœur, comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur? C'est-à-dire en ayant une foi ferme dans son cœur que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Quelconque bienfait qui vous atteint, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut surtout pas penser que les bienfaits, quels qu'ils soient, proviennent d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand des bienfaits, le bienfait de l'islam, de la foi, le fait d'être musulman, également le fait d'être sur le droit chemin, également le bienfait comme les richesses, les enfants, la santé, etc., etc. Et les bienfaits sont très très nombreux. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous en seriez incapable. Ensuite, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par la parole. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire proclame les bienfaits de ton Seigneur. Lorsque la personne cite les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour se vanter, c'est seulement pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, elle reconnaît que ces bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bien, qu'il le cite, qu'il le mentionne, et s'il fait cela, il aura alors été reconnaissant, et s'il le cache, il aura été alors ingrat, rapporté par Abu Daoud. Également, le fait d'être reconnaissant par les actes. Donc ça, c'est la troisième chose. La personne, elle est reconnaissante envers la personne, envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le donateur, celui qui a donné tous ses bienfaits. Allah dit dans le Coran, en parlant à la famille de Daoud, i'malu ala Daoud shukra, c'est-à-dire, ô famille de Daoud, œuvrez, c'est-à-dire, remerciez-moi en œuvrant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde le sait, il faisait la prière la nuit. Il restait très longtemps debout jusqu'à ce que ses pieds enflent, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, ils lui disaient, ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés? Voilà, passé et à venir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait alors, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet acte, le fait de prier la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent, il considérait cela comme un acte de reconnaissance. وعندنا ما يسمى بالحمد. عندنا الشكر وعندنا الحمد. طيب ما هو الفرق؟ ولا هو هو كاين الفرق؟ الحمد الحمد يكون الا لله سبحانه والشكر كذلك. لا ممكن ان تحمد ان تحمد شخصا. لا الشكر اعم من الحمد من ناحيه اركانه ومتعلقاته ومن حيث انواعه. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان، مفهوم؟ أنت لا تحمد الله تبارك وتعالى بالجوارح، ولكن الحمد من جهة متعلقاته فهو أعم. فالشكر يكون في مقابل النعمة، أما الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. فالإنسان وإن أصيب بمصيبة فإنه يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، فلا يشكر الله ولكن يحمد الله تبارك وتعالى. Donc ensuite nous avons deux mots qui sont proches et que les gens confondent souvent. الشكر, le remerciement, et الحمد, le fait de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd, c'est plus vaste que al-shukr en ce qui concerne ses causes. Du fait que al-shukr, comme on a dit, c'est en réponse à un bienfait. Alors que alhamd, c'est en réponse à un bienfait ou bien également à une catastrophe ou autre chose. C'est-à-dire la personne, même si elle est atteinte par un malheur, par une épreuve, elle glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit Alhamdulillah ala kulli hal. Également la personne Yahmadullah tabaraka wa ta'ala ala sifatihi. Tu peux également glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses attributs. Tu dis Yahmadullah subhanahu wa ta'ala ala karamihi wa ala fadlihi wa ala ilmihi. Contrairement au shukr, tu ne fais pas cela. Et shukr, d'une autre manière, c'est plus vaste que alhamd en ce qui concerne les endroits avec lesquels elle a lieu. On avait dit que shukr a lieu avec la parole, avec le cœur et avec les actes, avec les membres du corps. Contrairement à alhamd, il n'a lieu qu'avec le cœur et la parole. والشكر والشكر فوائد وفضائل وثمرات كثيرة جدا. فالشكر عبادة، الشكر عبادة، فإنسان يثاب على شكره لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله سبحانه وتعالى بالشكر، فالشكر واجب من الواجبات، والإنسان يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقال أفلا يشكرون في آية كثيرة. كذلك أثنى الله تبارك وتعالى على الشاكرين. الله تبارك وتعالى في كتابه أثنى ومدح الشاكرين عندما ذكر نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فكان يشكر نعم الله تبارك وتعالى. وكذلك قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عندما يكون النبي من الأنبياء شاكرا لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يثني عليه ويذكره بهذه الصفة الكريمة. كذلك الشكر عندما يشكر الإنسان ربه، هذا الشكر ينفع الشاكر، الشكر هذا ينفع الشاكر. يقول الله تبارك وتعالى فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وسيجزي الله الشاكرين. كذلك إن الشكر مانع من موانع العذاب يوم القيامة وكذلك في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر مع الإيمان من أسباب موانع العذاب. وكذلك الشكر من أسباب زيادة النعم. فالمسلم إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة ما فإنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده. ومن الأسباب التي يحصل بها هذه الزيادة الشكر. قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك الأنبياء والرسل كانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للشكر. في سورة النمل في قصة سليمان وملكة سبأ سليمان دعا ربه بدعاء عظيم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل عملا صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالجملة الأولى التي ذكرها سليمان عليه السلام يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للشكر. وكذلك الإنسان إذا شكر الله تبارك وتعالى فعليه أن يعلم أن الشاكرين قليل. قال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكر. ولذا قلنا أن لو كان الشكر باللسان فقط لكان الناس كلهم شاكرين ولا لا؟ فمن لا يستطيع أن يقول الشكر لله والحمد لله؟ كل واحد. ولكن عندما قلنا أن الشكر لابد أن يجتمع فيه ثلاثة أركان بالقلب وباللسان وبالجوارح فهناك وقليل من عبادي الشكور. وعلى الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للشكر كما فعله سليمان عليه السلام وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان عليه أن يدعو بهذا الدعاء العظيم من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يعين على الشكر أن لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه. مفهوم؟ فالإنسان إذا أعطي مالا مثلا أو أولادا لا تنظر إلى من له مال أكثر منك أو أوفر منك ولا تنظر إلى من رزق يعني عددا من الأولاد أكثر منك. لا، انظر إلى من لا مال له أو من هو دونك في المال أو من هو دونك في الأولاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل أو من هو أسفل منه فإنه يعترف بنعم الله تبارك وتعالى عليه. Donc le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce que l'on appelle al-shukr, possède de nombreuses vertus et de nombreux fruits pour le musulman. Premièrement, il faut savoir que le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration et une obligation. Donc la personne elle est récompensée en faisant cela. Ce n'est pas seulement une chose recommandée. Allah dit dans le Coran Afala yashkurun. Ne doivent-ils pas être reconnaissants? Et il dit également Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez des bonnes choses que nous vous avons données واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Et remerciez Allah si vous, si vous l'adorez réellement. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait l'éloge de certains de ses prophètes dans le Coran, il a cité cette caractéristique, le fait qu'ils étaient reconnaissants. Lorsqu'il a parlé d'Ibrahim, il a dit Shakiran li an'umi. Il était reconnaissant des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Également, en parlant de Daoud, Innahu kana abdan shakura. C'était un serviteur reconnaissant. Également, le musulman, lorsqu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, cela ne fait cela est bénéfique pour la personne qui remercie le serviteur lui-même. Allah dit dans le Coran, فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui remercie, en fait, il remercie pour lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera en fonction de cela. وَسَيْجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Également, le fait d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala est une cause parmi les causes qui éloigne le châtiment, donc ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala se passe de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous avez la foi. إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Également, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne un bienfait au serviteur, donc le serviteur toujours il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui augmente ses bienfaits, quels qu'ils soient. Donc la personne veut vivre d'une manière agréable. Et donc le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala est une cause qui fait augmenter les bienfaits. Allah dit dans le Coran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc comme information à ses serviteurs, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. Wala in kafartum min adhab la shadid. Et si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est douloureux. Et donc le musulman, il faut qu'il soit fier et qu'il essaye de faire partie de ce petit groupe des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont reconnaissants. Car donc, comme vous le savez, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Tous les êtres vivants sont des serviteurs d'Allah. Mais ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala sont très peu nombreux. Allah dit dans le Coran, « وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَا الشَّكُورُ. » C'est pour ça que tout à l'heure on avait dit que le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça ait lieu à trois endroits du corps. Dans le cœur, par la parole et par les actes. Si on avait dit que c'était par la parole, à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup de gens qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on demande ces trois choses, c'est à ce moment-là que se démarquent les vraies personnes qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela, il faut donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, il lui a enseigné une invocation à dire après la prière en lui disant, ô Mu'adh, je t'aime, ne délaisse jamais de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Et également parmi les choses qui aident le musulman à être reconnaissant, le fait, lorsque Allah nous donne un bienfait, de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus de nous. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne des richesses, te donne des enfants, te donne la santé, il ne faut pas que tu regardes les gens qui ont plus d'enfants que toi. Il ne faut pas que tu regardes les gens qui ont plus d'argent que toi, les gens qui sont en meilleure santé que toi. Car à ce moment-là, tu ne reconnaîtras pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on regarde ceux qui sont en dessous, ceux qui ont moins d'argent, ceux qui n'ont pas la santé, ceux qui n'ont pas d'enfants, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous mais regardez ceux qui sont en dessous, car cela vous permettra de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, sur vous. ثم قال وإذا ابتلي صبر وإذا ابتلي صبر وكذلك قلنا أن الابتلاء لا بد منه في هذه الحياة الدنيا فإذا صبر عند الابتلاء فقد حقق ما وجب عليه فالابتلاء والامتحان والاختبار فالله عز وجل يبتلي عباده قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر فلا يكون الابتلاء بالشر دائما كما لا يكون بالخير دائما قال الله سبحانه وتعالى ونبتليكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الإنسان قد يبتلى بالخير إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا هذا ابتلاء ولا ابتلاء شحال من واحد يعني كان من رواد المساجد ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الحياة الدنيا فغاب ولا لا وأحيانا يعني قد يترك الصلاة طبعا هذا ما استفاد هذا ابتلاء الله عز وجل يعني أعطاه خيرا في نظره هو ولكن ما استفاد من ما أعطي الإنسان قد يكون عازبا ثم يتزوج يظن أنه نعمة ولكن بعد ذلك يبتعد عن الله تبارك وتعالى فما استفد من نعمة الزواج يقول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهي نعم من جهة وفتنة من جهة أخرى ولهذا الإنسان عليه أن يوازن بميزان الدين ولا يترك هذه الأمور تطغى عليه وتبعده عن الله تبارك وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك ولا يكون ذلك إلا للمؤمن المؤمن إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا شكر وإن أصيب بشيء يضره فإنه يصبر وذلك خير له والصبر هو في اللغة العربية هو الحبس ولذا يقال يعني قتل فلان صبرا شنو معنى صبرا هذا ما احيانا تقرا يعني ترجمه لبعض الناس تقول وفلان قتل صبرا شنو معنى صبرا ها نعم فاني يحبس في مكان حتى يموت هذا يقال قتل صبرا يعني حبس فاذا صبرت يعني انت تحبس نفسك ولا لا تحبس نفسك عن ما عن التسخط وعن العدم عن الجزع عن التسخط لما كتبه الله تبارك وتعالى من البلاء والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة مفهوم؟ الإنسان حتى يقوم بطاعة الله لابد له من صبر ولا لا حفت الجنة أو حفت النار بالمكاره وحفت الجنة بالشهوات لابد من صبر الإنسان يصبر على المكاره أحيانا الإنسان يتوضأ في الجو البارد بماء بارد فإنه يصبر على طاعة الله وكذلك الإنسان عليه أن يصبر على أو عن معصية الله تبارك وتعالى فإنسان إذا رأى شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى فإنه يصبر حتى لا يقع في ما حرمه الله تبارك وتعالى والنوع الثالث هو الصبر عن أقدار الله المؤلمة فالإنسان يصاب بمصيبة كيفما كانت في ماله وفي بدنه وفي أولاده وفي صحته فإنه يصبر يصبر ويقول أنه مما كتبه الله تبارك وتعالى فإنه يصبر على أقدار الله المؤلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة الله عز وجل إذا أخذ ولدك فصبرت واحتسبت فإن الله عز وجل يعطيك الجنة وقال صلى الله عليه وسلم كذلك فيما يرويه عن ربه عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتي شو معنى حبيبتي عيني الله عز وجل يأخذ بصرك فصبر عوضته منهما الجنة والحديثان في صحيح الإمام البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وكلما ابتلي الإنسان فصبر كلما يكون أجره أعظم يوم القيامة فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والبلاء ليس عقوبة البلاء ليس عقوبة ولهذا الأنبياء عليهم السلام هم أشد الناس بلاء قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الإنسان على قدر دينه فإن كان في دينه يعني صلب يعني كان دينه صلبا فإنه يبتلى على قدر دينه وإن كان في دينه رقة كذلك يبتلى Donc la deuxième chose qu'a cité l'auteur, lorsque la personne est éprouvée, elle patiente. Donc qu'elle soit éprouvée de n'importe quelle manière. Il faut que la personne patiente. Et comme on a dit tout à l'heure, les épreuves arrivent forcément aux croyants ici-bas. Donc ici il a dit, وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرْ Et donc si la personne patiente, elle a alors accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le serviteur par les bonnes choses comme les mauvaises. Donc les épreuves, ce n'est pas forcément des choses bonnes. Ce n'est pas forcément des choses mauvaises et désagréables. Il se peut que la personne, Allah lui donne des richesses, lui donne beaucoup d'enfants, lui donne la santé... Et que ces choses-là les garde Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne du temps libre et que tu le remplisses par des péchés. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes des richesses ici-bas et que cela t'éloigne d'Allah. Il se peut qu'à un moment tu étais célibataire, tu étais à la mosquée, tu étais sérieux religieusement, tu t'es marié, tu t'es éloigné. Tu n'avais pas d'enfant, lorsque tu en as eu, tu t'es éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que la personne, justement, se serve de ces choses-là et qu'aucune de ces choses ne l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » Et nous allons vous éprouver par des mauvaises choses et des mauvaises. Et c'est vers nous que vous reviendrez. Et... Allah dit également dans le Coran إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِزْنَا Vos richesses et vos enfants sont pour vous des épreuves. Donc la personne, il ne faut en aucun cas que ces choses-là l'éloignent d'Allah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ Ô vous qui avez cru, que ni vos enfants ni vos richesses ne vous éloignent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr, la patience, anizukira في القرآن في نحو 90 موضعا La patience elle a été citée dans le Coran dans plus de 90 versets ce qui prouve l'importance de cette chose-là dans la vie du musulman Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Je suis étonné de l'affaire du croyant son affaire est toujours bonne lorsque lui arrive un bien, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et cela est un bien pour lui. Et cela n'arrive qu'aux croyants. Et donc, la patience a lieu de trois sortes. Donc, la patience, ce n'est pas seulement lorsque des catastrophes arrivent aux croyants. Donc, le musulman doit faire preuve de patience dans trois cas. Lors de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne, il faut qu'elle patiente. Par exemple, il arrive parfois où il faut faire les ablutions quand il fait froid, avec parfois de l'eau froide. Ici, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui font des ablutions avec de l'eau froide. La prière, parfois, elle est tard. Donc, la personne, elle patiente. Le jeûne, parfois, la journée est longue. La personne, elle patiente, etc., etc. Donc, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire preuve de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Huffatil naru ou huffatil naru bil makari. L'enfer. Hein? Là. Huffatil jannatu bil makari. Le paradis est entouré de choses désagréables. Wa huffatil naru bil shahawat. Et l'enfer est entouré des tentations. Donc la personne, si elle veut rentrer au paradis, il faudra forcément qu'elle fasse des choses désagréables. Et également, parmi les choses qui font rentrer en enfer, les tentations. Également, le fait de patienter pour ne pas commettre de choses illicites. Donc la personne, elle voit autour d'elle beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Comme l'alcool, comme la fornication, comme etc., etc. Les drogues, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Donc la personne, elle patiente et elle freine son âme pour ne pas commettre tous ses péchés. Également dans ces cas-là, la personne, elle fait preuve de patience et cette patience, elle verra sa récompense dans l'au-delà. Et également, le troisième cas dans lequel la personne doit faire preuve de patience, lorsqu'elle est atteinte par des choses prédestinées, mais douloureuses. Donc la personne peut être atteinte d'un malheur dans ses biens, dans sa famille, dans sa santé, dans ses enfants, dans toutes sortes de choses. À ce moment-là, la personne doit patienter. Donc c'est le troisième cas dans lequel le musulman doit faire preuve de patience. Et plus la personne patiente, plus sa récompense sera grande yawm al-qiyam. Le prophète sallam nous dit inna 'idham al-jaza ma 'idham al-bala. C'est-à-dire la grandeur de la récompense sera en fonction de la grandeur de l'épreuve. Donc plus la personne est éprouvée et plus elle patiente, plus sa récompense sera grande. Plus le prophète sallam dit faman radiya falahu ar-ridha, celui qui accepte cela, Allah l'acceptera. Wa man sakhata falahu as-sakhat, celui qui se met en colère, il aura alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'épreuve n'est pas forcément une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas forcément une punition d'Allah. Prouve cela, c'est que Allah éprouve ses prophètes. Donc les meilleurs de ses créatures, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné leurs péchés, il fait qu'il les éprouve. Et le qui a été le premier éprouvé, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous dit que les gens qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes, puis ceux qui se rapprochent d'eux. Plus la personne, elle est attachée à sa religion, plus elle est éprouvée. Plus la personne est attachée à sa religion, plus elle est éprouvée. Al-sabr lahu fawaid والبلاء كذلك له فوائد. قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين وقال في آية أخرى إن الله يحب الصابرين وقال كذلك سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال في الحديث القدسي وقال في الحديث القدسي لا يزال أو ليس حديثا قدسيا وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تبارك وتعالى وما عليه خطيئة. Donc le fait de patienter aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala possède une grande récompense. Allah dit dans le Coran, Allah est avec les patients, Allah aime les patients, et il donnera aux patients une récompense sans compter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la personne ne cesse d'être éprouvée, le croyant comme la croyante, dans sa propre personne, dans ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de péché. Donc Allah fait que ces péchés sont cause, que ces épreuves sont cause d'expiation des péchés. Et Allah dit dans le hadith divin, ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. C'est-à-dire mon serviteur croyant, lorsque j'ai pris son enfant ici-bas et qu'il a patienté, je lui donnerai le paradis. Et également dans notre hadith, il dit que Allah éprouve son serviteur en lui prenant la vue, en lui prenant ses yeux, et il patiente à cela, et Allah lui donne en échange de cela le paradis. ثم قال وإذا أذنب استغفر. هذا هو الأمر الثالث الذي يحصل به أو تحصل به السعادة. إذا أذنب استغفر فالذنب لابد أن يقع. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. فلا يوجد أحد لا يقع في ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمغفرة هو الستر. المغفرة هو الستر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه في فتح مكة دخل مكة وعلى رأسه المغفار, يعني شيء يستر رأسه صلى الله عليه وسلم. فالمغفرة بمعنى الستر, فإن الله عز وجل يستر الذنب. ومن شأن الأنبياء والمرسلين أنهم إذا وقعوا في يعني خطأ فإنهم يستغفرون الله تبارك وتعالى. قال موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقال إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل حديث أبي ذر عن المعروف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. في آخر الحديث قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث في مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هذا يدل على عظم فضل الاستغفار أنه من شأن الأنبياء والصالحين. بل ذم الله تبارك وتعالى الذي يؤخر الاستغفار ويسوف في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالتوبة واجبة على الفور, لا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة واجبة على الفور. فإذا أذنب الإنسان كتبت له سيئة, فإذا أخر التوبة كتبت له سيئة أخرى. الإنسان يعني تكتب له سيئتان بفعل واحد. فإذا أذنب الإنسان وجب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى. Donc la troisième chose qu'a cité l'auteur, lorsqu'il commet un péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne commet forcément des choses interdites religieusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et le meilleur de celui qui commet des erreurs est celui qui se répand. Et également, il dit, لولا أنكم تذنبون, si vous ne commettiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait fait partir et aurait fait venir à votre place un peuple qui commette des péchés, demande pardon à Allah et Allah leur pardonne par cela. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala souvent il cite et vante les mérites de ceux qui demandent pardon à Allah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, ceux qui lorsqu'ils commettent une turpitude ou bien font du tort à eux-mêmes, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, ils se rappellent d'Allah et donc ils demandent pardon de leurs péchés. ومن يغفر الذنوب إلا الله, et quiconque peut pardonner les péchés en dehors d'Allah. Et Allah ordonne cela même à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit فعلم, sache, فعلم أنه لا إله إلا الله, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Également, Allah dans le Coran lorsqu'il cite donc l'histoire des prophètes, il nous cite clairement que beaucoup d'entre eux demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a tué le Qibti, le Copte en Égypte, il a dit Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah, c'est-à-dire je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Ibrahim alayhi salam, il dit dans sourate Ash-Shu'ara alladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, c'est-à-dire j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonnera mon erreur le jour de la résurrection. Et Allah dit également dans le hadith divin, إِنَّكُمْ تُرْتِئُونَ بِلَيْلِ وَالنَّهَارِ, vous faites des erreurs, mes serviteurs, nuit et jour. La personne elle commet des erreurs dans la journée et dans la nuit. فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc il faut qu'absolument que la personne, lorsqu'elle commet un péché, qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a blâmé ceux qui ne se répandent pas, c'est-à-dire ceux qui continuent à être désobéissant. Allah a dit وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ceux qui ne se répandent pas, ce sont eux vraiment les injustes. Donc la personne, il faut absolument qu'elle se répande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir est une obligation juste après le péché. Qu'est-ce qu'on veut dire par obligation? La personne elle est récompensée en se répentant, et elle mérite un châtiment si elle ne le fait pas. Donc la personne, elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, lui est inscrit alors une seyyi'a, une mauvaise œuvre, et si elle repousse également la tawba, lui est également inscrit une mauvaise œuvre en plus. Et donc à chaque fois qu'elle repousse, des mauvaises œuvres viennent s'inscrire sur son registre. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ô vous qui avez cru, répandez-vous à Allah, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. من فوائد الاستغفار أنه من أسباب تكفير السيئات. قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل يغفر أو يكفر السيئات بسبب الاستغفار. وكذلك الاستغفار من أسباب سعة الرزق, وإن فإن أردت أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك في الرزق, الرزق أهم من المال, يعني الرزق كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل على لسان هود فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا على لسان نوح عليه السلام عفوا. فبسبب هذا الاستغفار الله عز وجل أعطاهم كل ما ذكر في هذه الآية الكريمة. كذلك الاستغفار من أسباب دفع المصائب، الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يدفع عنه كل مكروه. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبسبب استغفارهم فإن الله عز وجل دفع عنهم البلاء. وكذلك الاستغفار من سبب تطهير القلب، من سبب تطهير القلب وتبييضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. كلما أذنب الإنسان نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، يعني طهر قلبه. وكذلك الاستغفار والتوبة من أسباب من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui est cause d'expiation des péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par cela, il pardonne et expie les péchés commis dans le passé. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا celui qui commet un mal أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ou bien commet du tort à lui-même ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ puis demande pardon à Allah يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et miséricordieux. Également, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala est cause de richesse vaste. Donc si la personne, elle désire justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de ses richesses, il faut absolument qu'elle délaisse les péchés et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans sourate Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Nuh, il a dit à son peuple, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ Allah fera descendre la pluie grâce à ça. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ Il vous donnera des richesses. وَبَنِينَ Et des enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Et il vous donnera des jardins et des rivières. Donc celui qui désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la richesse, qu'il délaisse alors les péchés et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, c'est cause de qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne du croyant toute catastrophe et tout malheur. Allah dit dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah ne peut pas les châtier alors qu'ils demandent pardon, alors qu'ils lui demandent pardon. Également, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala est cause de purification du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant, lorsqu'il commet un péché, il y a alors un point noir qui vient s'inscrire sur son cœur. Le hadith, il est connu. S'il se repentit et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur redevient pur. Et dans une autre version du hadith, فَكَانَ الرَّجُلُ عَلَى قَلْبَيْنِ قَلْبٌ أَبْيَضٌ وَقَلْبٌ يعني أَسْوَدٌ مِرْبَادًا كَالْكَوْزِ الْمُجَخِّيَةِ كَالْكَوْزِ مُجَخِّيَةِ يعني كالكوب المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فلا يؤثر عليه يعني الموعظة ولا التذكير. فالإنسان إذا أكثر من الذنوب فإن النكت السوداء يعني تطغى على القلب فالإنسان بعد ذلك لا ينتفع بالمواعظ وبالتذكير عياذا بالله. Donc la personne, plus elle commet de péché, plus des points noirs viennent s'inscrire sur son cœur. Et à la fin, les hommes sont de deux types. Des gens qui ont un cœur blanc, c'est ceux qui délaissent les péchés, ou bien lorsqu'ils en commettent, ils demandent pardon et se répentent. Et ceux qui commettent énormément de péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura des gens qui auront un cœur pur et blanc, et d'autres qui auront un cœur noir, tel, noir et sombre, comme un verre retourné. Donc ils auront tellement commis de péchés que leur cœur sera tel un verre retourné. C'est-à-dire un verre retourné, on ne peut plus rien y mettre. On leur dit qu'Allah, Allah, Allah, il dit cela. Il dit que si tu continues à faire cela, il y aura telle chose, sera telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il met en garde contre eux cet acte. Et la personne, cela ne lui fait plus aucun impact. Pourquoi ? Parce qu'elle, pendant des années et des années, elle n'a pas cessé de commettre des péchés. Également, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de se répentir est cause d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Allah il aime ceux qui se répentent à lui. Faqal, fa inna ha'ulai thalatha unwanu as-sa'ada. Man haqqaqa hadhi al-umur al-thalath min al-shukr wa min al-sabr wa min al-istighfar فبإذن الله تبارك وتعالى ينال السعادة في الدنيا والآخرة والسعادة ضد الشقاوة. الله عز وجل يقول في كتابه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. والسعادة هي الحياة الطيبة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc il a dit, celui qui a réussi à accomplir ces trois choses, le fait d'être reconnaissant, le fait de patienter, le fait de demander pardon, il obtiendra alors le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Donc le bonheur, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Surat An-Nahl, lorsqu'il a dit, celui qui accomplit les bonnes œuvres, homme ou femme, en étant croyant, nous lui donnerons une vie agréable ici-bas, et nous le récompenserons dans l'au-delà de la meilleure des récompenses. ثم قال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Il dit ensuite, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, c'est la religion de Ibrahim, le fait d'adorer Allah seul, sincèrement, en lui vouant exclusivement la religion, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que afin qu'ils m'adorent. فقال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعتي. هذا دعاء اخر من المؤلف رحمه الله للقارئ الكريم. يقول اعلم, يعني هذا كلمه شامله لكل قارئ لهذا الكتاب سواء اكان ذكرا أو أنثى, فهي كلمة يؤتى بها للتنبيه لما يلقى بعدها. أرشدك الله, يعني أي وفقك الله لما ينفعك في الدنيا والآخرة. et c'est Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqa al-qari al-rushd wa al-rushd wa al-istiqama ala tariqi al-haq wa indana al-rushd wa indana al-hidayah fa al-rushd dhidduhu al-ghay qad tabayyana al-rushd min al-ghay wa indana al-hidayah dhidduhu al-dalal فالرشد هو الاستقامة على طريق الحق. يقول أرشدك الله لطاعته. الطاعة وموافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الطاعة يدخل فيها الواجب والمستحب وكذلك اجتناب المحرمات والمكروهات. وعند بعض العلماء أن الطاعة مرادفة للعبادة. Donc il a ensuite dit اعلم, c'est-à-dire sache. Donc cela c'est pour que le lecteur fasse attention à ce qui va être dit après. Il lui a dit sache, afin qu'il tende l'oreille, que ce soit un homme ou une femme, toute personne lisant ce livre. Arshadak Allahu li ta'ati, qu'Allah te guide vers son obéissance. Donc l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'atteindre le but, d'atteindre le but en mettant en pratique les ordres d'Allah et en délaissant les choses interdites. Yaqul اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة أبينا إبراهيم, وهي الملة والدين المائل عن الشرك. فالحنيف بمعنى المائل, ولهذا يقال لشخص يعني لا يمشي مستقيما يقال له حنيف, يعني يمشي ولكن ينحرف عن الطريق. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك. إبراهيم عليه السلام كان مائلا عن الشرك, بل قال لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالحنيفية هي أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له, خالصا له الدين أو مخلصا له الدين. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة. قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur, excusez-moi, dit ensuite اعلم أن الحنيفية, الحنيفية donc c'est la religion de Ibrahim, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul en lui vouant un culte exclusif. الحنيفية, ça vient du mot hanif qui veut dire quelqu'un qui s'écarte. نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.